Des premiers ans de votre vie que j'aime à remonter le cours, écoutant d'une âme ravie ces récits, les mêmes toujours. Que de fraîcheur et de mystère, en remontant ces bords heureux, quelle douce et tendre lumière baignait ce ciel si vaporeux. Combien la rive était fleurie, combien le flot était plus pur, que de suaves rêveries se reflétaient dans son azur. Quand de votre enfance incomprise vous m'avez quelque temps parlé, je crois sentir dans une brise glisser comme un printemps voilé.